avec ma foi dans l'envers du décor et je suis mes pas qui m'emmènent vers la mort. Les souvenirs sont en moi comme des rats qui me dévorent. Ils me font mal comme toi à qui je pense encore et encore et encore et encore et encore et encore et encore. Peu importe les corps.